Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce magnifique 13e épisode, heureusement qu'on n'est pas un vendredi, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud. Salut l'homme de la situation. J'adore commencer un épisode avec toi parce que tu me surprends toujours avec des petits mots d'amour comme ça. L'homme de la situation. Hey Renaud, je t'en ai parlé un peu. Il a terminé son bac, mesdames et messieurs. Ben presque. Une bonne main d'applaudissements. Merci. En fait, probablement que la semaine prochaine, pour le prochain épisode, je vais vraiment avoir tout terminé. Parce qu'il me reste toujours à déposer cette fameuse recherche action. Mais c'est ça, là, mardi prochain, je vais devenir un adulte là, pour la première fois de ma vie. Je vais avoir été à l'école beaucoup trop longtemps. Ceci dit, Renaud, je t'en ai parlé un peu hors d'onde. Je vous aimerais ça l'annoncer à nos auditeurs. En fait, je vous parle de moi quelques instants avant qu'on commence ça, ce bel épisode-là. C'est que moi, je suis un grand amateur de bières artisanales. Particulièrement les bières qu'on fait au Québec, parce que ben, de toute façon, au Québec, c'est un peu difficile d'en avoir qui viennent d'ailleurs, mis à part à la SAC. Puis c'est pas tant intéressant ce qui se fait. Puis de toute façon, on a tellement des beaux produits au Québec. Puis je me suis dit, ben tant qu'à triper sur les bières, puis je sais que toi aussi quand même, t'apprécies les bières, si je me trompe pas. Je me suis dit J'ai un cousin qui brasse, qui est maître brasseur à Dieu du ciel. Ah, t'es-tu sérieux? J'ai ce genre de sensibilité-là. Il avait fondé Upfenstark pour les connaisseurs aussi. Ben ouais, avec je connais ça. Son cousin à lui. Là. OK. Donc, ben, génial, ben c'est ouais, ça. Ouais, fait que dans la famille, on jase de bière pas mal. Excellent, ben fait que dans le fond, moi ce que je vais faire, en début d'épisode, de toute façon ça va être de joindre l'utile à l'agréable, ça va faire que je vais être pogné pour déguster une bonne bière pendant l'épisode, mais je vais présenter à nos auditeurs qui ont 18 ans et plus, bien sûr, hein, il faut pas, j'incite pas nos auditeurs qui ont pas 18 ans à boire de la bière, mais ceux qui ont 18 ans et qui veulent découvrir des nouveaux produits, des fois on sait pas trop quoi acheter parce qu'il y en a tellement sérieux des bières en ce moment que je me dis que je vais en profiter pour faire découvrir quelques bières à nos auditeurs puis en même temps moi la déguster. Fait que cette semaine déjà on commence en force, moi je m'ouvre une Docker IPA, donc une IPA Docker, c'est un style américain, donc c'est des, ça si vous buvez ça pour la première fois là, c'est pas mal amer, mais ça un peu une amertume de genre pamplemousse, des trucs comme ça. Puis la Docker est très bien faite, je vais le dire, là, je suis pas un grand fan de brasseurs de Montréal. Ils font des belles affaires, mais c'est pas tout super bon à mon avis, mais j'y reviendrai. Mais ça, là, brasseur de Montréal, Docker IPA, si vous voyez ça, goûtez à ça, c'est très bien fait, donc je bois ça pendant l'épisode, à votre santé. Je mettrai peut-être les infos de cette bière-là sur notre site de la balado. Donc, surtout que le mercure a commencé à osciller autour de 20 degrés. Oui! On est monté jusqu'à 19 aujourd'hui à Mont-Laurier, quand oh. même. Oh oh! Puis, chaud à Sherbrooke. Oui, très intéressant. Puis l'amertume, comme ça, ça peut paraître... contradictoire? Pour ceux qui connaissent pas, là, pour ceux qui boivent pas... des bières amères comme ça, de type plus IPA. Ouais. Mais c'est très rafraîchissant. Vraiment. C'est, j'ai comme l'impression que je serais sur une terrasse. C'est surprenant comment ça rafraîchit plus qu'une bière blonde. Ah ouais. Ça donne une espèce de fraîcheur en bouche, là, puis l'amertume, elle vient... Ah ouais, très, c'est très agréable vraiment, sur la terrasse. J'ai le soleil dans la gueule. Docker IPA. Cheers, tout le monde. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on a un épisode un peu intéressant. J'ai déjà évoqué ce concept-là, mais c'est que c'est le fun, une fois de temps en temps, entre différents sujets, d'aller vers un sujet qui est un peu de théorie de Magic, un peu plus général, qui s'applique à... c'est comme des concepts généraux qui s'appliquent à Magic en général. En anglais, ils appellent ça des fois des « level up » épisodes, donc des épisodes où... on va essayer de monter de niveau en parlant de choses qui des fois peuvent... c'est sûr qu'il y a certains de nos auditeurs que pour eux, ça a l'air d'être acquis, ces notions-là. Mais des fois, c'est bon de s'en reparler, puis même de réfléchir, puis de les faire réfléchir aussi, puis peut-être même qu'ils pourront alimenter notre discussion ensuite sur les réseaux sociaux. Notre sujet de cette semaine, c'est on veut parler de « sideboard ». Et pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est pour deux raisons notamment. Sur les réseaux sociaux, là, Renaud, on a eu une discussion. Ben, tu as eu une discussion avec un joueur de Sherbrooke qui avait modifié une liste qui était à l'origine bent. Et à un moment donné, Renaud t'a parlé que t'as évoqué que telle carte dans le sideboard avait telle utilité. C'est arrivé en même temps où j'ai vu l'article de Michael J. Flores, que j'ai d'ailleurs partagé sur la page Facebook de la balado, si jamais vous la voyez, où Michael J. Flores nous parle un peu d'étape par étape comment il a réussi à gagner le Pro Tour Qualifier, avec une liste super intéressante qu'on prendra comme point de repère pour discuter de sideboard à quelques moments dans l'épisode. Et c'est super intéressant parce qu'il nous décrit vraiment comment, à quoi il pensait pour chacun de ses match-ups, et quelle carte sortait de son deck, quelle carte entrait, et il justifie chaque fois pourquoi il faisait ces choix-là. Et ça m'a rappelé que moi, comme joueur, qui est, comme vous le savez, pas le plus compétitif encore, j'espère dans l'année qui s'en vient, peut-être être un peu plus impliqué, c'est mon souhait, puis j'aimerais bien ça que ça arrive. Mais en ce moment, je suis pas le joueur le plus compétitif, et parfois, ce que je vais faire, si je vais à un événement ou un truc comme ça, je vais aller prendre une liste sur Internet. Par exemple, en ce moment, je joue Jeskai Token. Quelques cartes que j'avais pas, je les ai remplacées par des trucs que moi j'aimais. Puis j'ai pris les cartes du sideboard, je les ai mises comme ça, puis j'ai mon 75 cartes. Mais je sais que c'est une erreur. Je sais qu'on peut pas, comme joueur, juste prendre 75 cartes sur un site comme MTG Top 8, par exemple, ou d'autres sites où il y a des decks, puis simplement partir avec ça et aller à nos événements. Oui, on peut le faire, mais c'est qu'on n'utilisera pas à son plein potentiel l'utilité d'un sideboard. Puis je commencerai peut-être juste par ça. Je dirais, il faut être capable de reconnaître ce qui est la structure, la coquille du deck, ouais, de ce qui est des choix qui sont faits par le joueur pour un tournoi donné. Mm-hmm. Comme Jeskai Tokens, ouais, va jouer. La mana base risque de changer très peu, là. Ouais. Puis ça fait déjà 23 à 24 cartes là, qui sont définies. Il y a 4 Jeskai Ascendancy, des Ordering Outburst. Bon, Stoke the Flames, ça changera alarm. Jamais. Mais là, ouais, après ça, il y a des choix comme est-ce qu'on joue des Goblin Ramble Master, ou est-ce, ouais, qu'on joue des Dragon Fodder, ou des Raise the Alarm, est-ce qu'on joue des Narset, pas de Narset. Bon. Ouais. Il y a un certain nombre de choix comme ça qui sont faits. Puis il faut être capable de reconnaître qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans le deck. Ouais. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est des choix? Parce que parfois, dans le 60 de départ, il y a des choix de sideboard, pré-sideboard, de fait, pour compenser des mauvais match-up dans la première game. Qu'est-ce que tu veux dire? Le deck, justement, de Michael G. Flores. Ouais. Il y a deux Encase in Ice, là. Je sais pas si c'est ça le nom de la carte comme faux, là. Ouais, Encase in Ice, ouais. Qui est une carte qui peut qui est bonne seulement contre des créatures rouges ou vertes. Ouais. Puis qui par le fait même atroce là, contre le reste. Contre n'importe quel deck contrôle. Ouais. Okay. Puis il y en a deux dans le main deck. Ouais. Parce qu'il sait que le match-up contre Moon Rouge, il doit avoir des réponses rapidement en début de game. Mm-hmm. Sinon, il perd. Sinon, il perd. Mm-hmm. Fait qu'il doit compenser par des cartes qui sont très efficaces. Surtout que sa base, c'est surtout Mono Bleu, là, de ce deck-là. Ouais, c'est fou. Mono Bleu Dragon Control, là, qui l'a appelé. Pour ceux qui veulent le voir, l'article est disponible sur TCG Player. Ouais, il a gagné le RPTQ avec ça. C'est en Utah. Ouais, Utah. C'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Il me semble que oui. C'est ça que j'ai en tête, en tout cas. Là. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais donc. Il y a ces cartes-là dans le main deck, mais si vous vous attendez pas à avoir de mono rouge vraiment beaucoup, là, ou parce que dans votre région, ça joue pas beaucoup de mono rouge, ça joue beaucoup de contrôle, vous pouvez déjà penser à mettre ces cartes-là dans le sideboard, puis mettre Negate, par exemple, en main deck. Fait qu'il y a des cartes qui peuvent être des cartes de sideboard, qui peuvent se retrouver dans le main deck, puis là, si vous analysez pas la liste pour vous rendre compte de qu'est-ce qui est de la coquille du deck, puis qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est des choix de metagame, finalement. Ouais. Vous pouvez vous retrouver avec des mauvaises surprises, puis des decks qui sont sous-optimaux pour le tournoi auquel vous allez vous présenter. Exactement, puis je trouve que ce cas-là, il est vraiment excellent, parce que Encase in Ice, c'est clairement, tu montres cette carte-là à n'importe qui, tout le monde va dire, c'est une carte de sideboard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on si on prend, là, si on essaie de définir, c'est quoi une carte de sideboard? C'est, qu'est-ce qui... Dans le fond, quand on regarde une case and ice, pourquoi on se dit « Ah, ça, c'est une carte de sideboard? » C'est que c'est tellement précis ce contre quoi c'est bon que normalement, c'est pas bon à être dans tes premières 60 cartes parce que c'est trop pointu ce contre quoi c'est bon. Mais le cas où une carte de sideboard va être dans un mainboard, c'est quand vraiment, soit qu'on sait, on s'attend vraiment à une metagame tellement dirigée vers un type de deck qu'on sait que cette carte-là va être bonne mainboard et qu'on a plus de chances qu'elle soit utile dès le match numéro 1, ou c'est simplement qu'on identifie que peu importe, dans le fond, peu importe la metagame, on sait que contre tel type de deck, on est tellement faible que ça vaut la peine de la mettre mainboard, même si le deck n'est pas surreprésenté dans tel ou tel metagame, mais c'est vraiment une faille dans le deck et cette carte-là vient un peu colmater une brèche que le deck pourrait avoir. Mais dire que dans le cas présent, c'est... Puis là, on parlera pas d'un Casey Nice pendant des années, mais dans le cas présent, on est dans un format où est-ce qu'il y a beaucoup de cartes de multicolores qui sont vraiment excellentes. Ouais. Une Casey Nice peut très bien agir en tant que removal sur un Siege Rhino parce que ça touche les créatures vertes. Ouais. Fleecemane Lion, Rakshasa Dead Dealer, Anafenza, tout ça aussi est géré par une Casey Nice. Ouais. Mais et c'est un enchantement. N'importe quel deck. Dans le fond, les deux decks aggro du format, le Abzan aggro puis Mono Rouge, étaient gérés par ce carte-là, puis ça tombait bien qu'il puisse la mettre dans son main deck. Mais encore là, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une carte de plus sideboard. De sideboard. Tout à fait. D'ailleurs, il y en a un de plus dans son sideboard. Effectivement. Puis. Et donc, en général, le sideboard va nous servir comme étant une espèce de soupape pour notre deck, pour vraiment aller contrer certains match-up. Mais j'aimerais ça savoir, toi, par exemple, justement, quand tu... mettons que je te donne un premier 60 cartes. Si on prend la liste de Michael J. Flores, ou sinon même justement Jeskai Token, ou quand tu as un premier 60 cartes qui est comme assez solide, qui est assez stable, ce serait quoi, mettons, les trois grandes questions à se poser pour... compléter avec un sideboard. Mettons là que j'ai pas accès à internet, que j'ai un premier 60 cartes puis que je veux monter un sideboard, ce serait quoi le genre d'informations auquel j'ai vraiment besoin d'avoir? Quelles informations j'ai besoin d'avoir pour construire mon sideboard? Ce serait quoi peut-être les trois grands piliers ou les trois grandes questions ou quelque chose comme ça là? Juste me donner une idée de toi quand tu te construis un sideboard, c'est quoi les questions que tu te poses puis c'est quoi les choix qui peuvent être faits? Ben, connaître tes deux pires match-ups. Okay. Il suffit pas de connaître chaque deck du format puis de se préparer pour chaque deck du format parce qu'on a juste 15 cartes de sideboard. Fait que il y a des angles qu'on pourra pas couvrir mais que c'est pas nécessairement nécessaire. T'sais, c'est pas nécessaire de couvrir parce que des fois le main deck est déjà assez bon contre certains match-ups puis il y a pas beaucoup de cartes à changer. Fait que d'abord faut connaître les deux meilleurs match-ups puis les deux pires match-ups. Pour être capable de choisir des cartes qui vont nous aider dans les pires match-ups. Par exemple, contre Mono Rouge, Mono Blue Dragon, il y a une peur. Ouais. contre Mono Rouge. Puis 4 Omen Speaker, 4 Master of Waves, un Encase and Ice de plus dans son sideboard. Puis il y a quand même beaucoup de cartes qui font rien, c'est comme. Disdainful Stroke, Yugin, Dragon Lord Prérogative. Même des autres, c'est pas lent, là. Très bon. Tu sais, fait que un certain nombre de cartes là, à sortir du deck. Fait que la première chose, c'est ça. Connaître les pires match-up, les meilleurs match-up. Les meilleurs match-up, on n'est pas obligé de mettre autant d'attention dessus. La deuxième chose, ben, faut savoir pour chaque match-up combien de cartes du main deck on a à sortir. Ouais. Si on a juste trois cartes qui sont vraiment mauvaises puis le reste est déjà bon, on n'a pas besoin de mettre cinq cartes de sideboard pour ce match-up là. Il y a au minimum. On a juste trois cartes à sortir. Et que ça vaut pas nécessairement la peine de mettre plus. On fait juste perdre puis diluer le sideboard pour rien. Parce que moi ça m'est déjà arrivé souvent d'arriver en tournoi puis de faire ben. J'enlève juste trois cartes, j'ai juste besoin d'enlever trois cartes dans ce match-up-là, mais j'en ai cinq dans mon sideboard. Enfin, j'ai deux cartes que j'utilise jamais dans ce match-up-là. Ouais. Puis c'est de l'espace de perdu pour d'autres match-ups. Et aussi, une autre question qu'on peut se poser, faut être capable de voir la place que chacun de ces match-ups-là vont prendre dans la metagame. Ouais. L'ordre de priorité devrait être le deck qu'on s'attend le plus de voir. Si on s'attend vraiment à avoir beaucoup de decks mono rouges, il va falloir mettre peut-être un peu plus d'emphase sur ça. Et même peut-être faire des choix comme Michael Flores a fait, de mettre des cartes directement dans le main deck plutôt qu'en sideboard. Puis sideboarder game 2 si on joue contre Autre contrôle chose, là, ouais. ou autre chose, ouais, c'est ça. Fait anticiper la metagame, c'est important. Puis aussi, il faut aussi avoir une considération dans le choix des cartes de sideboard pour la curve puis les exigences en mana. OK. Okay. Si on peut remarquer, dans certaines listes, ben, il y a des choix qui sont faits. Ça se voit surtout en Legacy, admettons, Ouais. où est-ce qu'il y a une land de plus dans le sideboard, Ouais. ou en Vintage, ça se voit vraiment beaucoup, où il y a une montagne dans le sideboard, mais contre, admettons, le deck de Stax, les decks de Young Baromancer en Vintage, ben, ils mettent 4 Ingot Shower dans leur sideboard, par exemple. Ouais, les autres, c'est vraiment du... Qui est une créature qui coûte un rouge, évoque, puis tu détruis un artefact. Puis Stax joue que des artefacts. C'est 100% des artefacts, le deck. Fait que, il rajoute une montagne dans le sideboard pour s'assurer d'avoir assez de mana rouge pour le jouer. En standard, ça arrive très peu souvent Ouais, que c'est ce ça. genre de situation-là arrive puis qu'on change des cartes. Mais il faut prendre en considération sa mana base. Est-ce que vous avez assez de sources pour jouer la carte au moment où est-ce que vous voulez la jouer dans la partie pour que ce soit efficace contre ce match-up-là. Ouais, Il exactement. faut se poser ce genre de questions-là. Puis si vous n'êtes pas capable avec cette carte-là, il faut trouver une carte qui est peut-être moins bonne dans le match-up, mais que vous allez être capable de caster puis qui va vous aider à gagner la partie quand même. Ouais. C'est intéressant. Ça, c'est la troisième là, grosse considération, je pense, qu'il y en a à voir quand on construit un sideboard. Ok. Puis, je me demandais, on sait que justement dans un match-up où c'est nous qui le qui tu sais qu'on est le favori. Mettons, je prends un exemple, tu disais c'est bon de connaître nos deux mauvais match-ups et peut-être nos deux meilleurs match-ups. Ça veut dire que pour l'autre, c'est nous qui représentons le danger. Disons qu'on se met à l'inverse, puis c'est nous qui est mono rouge et qu'on voit que notre adversaire est contrôle. On a gagné game 1. Notre adversaire va faire un sideboard qui est vraiment dirigé contre l'agression, contre le deck, disons, mono rouge aggro. Est-ce que dans un side. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se demander. Si, dans mes bons match-ups, qu'est-ce que Se l'autre. demander qu'est-ce que l'autre va Ouais, sideboarder ou est-ce qu'il a exactement. fait. Ah ouais? Ok, ça peut aller jusque-là, quand même. Les joueurs professionnels sont assez bons pour reconnaître les archétypes Ouais. parce qu'ils jouent depuis vraiment longtemps. Puis ils vont développer là, ce genre de réflexe-là, d'essayer de voir qu'est-ce que l'autre Va sideboard. sideboard pour contrer le Puis, sideboard carrément. oui, c'est ça. Ou si ils s'attendaient pas à ce plan-là, ils vont peut-être pas se tenir exactement à leur plan de sideboard dans le match-up en voyant qu'est-ce que l'autre a décidé de faire. S'il y a des choses auxquelles ils s'attendaient pas. Puis Puis, il peut réagir entre la deuxième partie puis la troisième partie. Puis, rechanger des cartes pour s'ajuster à ça. quand tu parlais de justement de plan, est-ce que pour toi, n'importe qui veut avoir du succès à Magic compétitif n'a pas le choix d'avoir un plan presque prédéterminé de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort pour, comme tu disais, les deux pires match-ups, mettons. Est-ce que c'est un must de vraiment le savoir prédéterminé, de dire, OK, ouais, quand je joue contre tel type de deck, je sais que je sors telle carte, je sais que je rentre telle carte. Est-ce que un sideboard, quand on dit un plan de sideboard, il faudrait que tu sois capable à la limite de l'écrire, comme, puis de savoir exactement ce que tu veux faire, puis que ça a été choisi et testé, ou il y a un petit peu aussi à travers ça du feeling du moment, puis de ce que tu as vu Ouais, du deck, puis. je pense que le feeling du moment était quand même important. OK. faut être capable de reconnaître quand il y a des situations qu'on n'avait pas prévues qui se présentent, puis s'ajuster. Puis dans ce cas-là, si tu es sur cruise control, mais il y a des bonnes chances que tu fasses des erreurs puis que tu rentres les cartes que tu n'avais pas nécessairement besoin de rentrer. Évidemment, ça prend un plan général pour construire le sideboard, t'sais, des 15 cartes, là, pour trouver les cartes, pour faire le choix de ces cartes-là. Mais une fois qu'ils sont choisis puis qu'ils sont dedans, ben là, il faut s'ajuster à ce qu'il y a en avant de soi. Puis si on se rend compte qu'on a fait des erreurs, puis qu'on n'a soit pas besoin de ces cartes-là, soit qu'ils n'ont pas l'impact voulu, faut réagir, là, puis changer de stratégie. Mais j'ai pas d'exemple précis à te donner là ou là, Non, mais tu sais que je pense d'expérience, que faut que j'ai tu déjà puisses t'ajuster. pensé, j'ai déjà construit là, des plans très précis là, de sideboard écrit, là. Puis je me suis rendu compte que tout ce que ça faisait, c'est que ça m'empêchait là, d'être vraiment attentif à ce qui se passait dans la partie. Puis si j'étais vraiment attentif à ce qui se passait dans la partie, je prenais les meilleures décisions pendant la partie, je comprenais qu'est-ce qui se passait. Puis peut-être que je voyais là, des subtilités, soit dans la façon que mon adversaire avait de jouer, ou des cartes différentes que lui avait dans sa liste, des choses comme ça. Même si même si une liste, bon, on a une idée générale de comment la liste devrait se jouer, il y a des joueurs qui jouent différemment, Tout à fait. qui sont peut-être moins optimales là, Ou juste un autre angle sur un deck, là, ou... ou qui sont plus optimales que ce à quoi vous avez testé, parce que, admettons, vous avez testé avec quelqu'un qui ne connaissait pas très bien la liste, puis finalement, il prenait pas nécessairement les bonnes décisions. T'sais. Ça peut vous porter à croire que votre match-up est meilleur que ce qui est réellement. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable de s'ajuster en temps réel là, durant le tournoi. Puis, justement, si on parle de playtest, de match qu'on joue pour se préparer à mieux comprendre son deck, mieux comprendre ses match-ups, puis bien prévoir son sideboard, de ton expérience, là, jusqu'à quel point, justement, c'est important de jouer plusieurs matchs avec ton. Parce que, avec ta liste en format game 1, parce que. Moi, j'ai l'impression que, mettons que là, tu sais, ce soir, mettons, il y a des amis qui sont là, ils vont au Griffon de Sherbrooke, ils vont playtester. Puis là, ils vont arriver, ils vont sortir leur deck, ils vont jouer le premier match, et tout de suite, ils vont faire le sideboard. Mais je me demande jusqu'à quel point, quand on playteste un deck pour justement peut-être faire les ajustements de son sideboard, ça vaut pas la peine de jouer plusieurs matchs numéro 1 pour vraiment être en mesure d'identifier les failles d'une liste, ou si les joueurs qui sont plus expérimentés savent tout de suite identifier très rapidement les problèmes qu'auront un tel type de deck contre d'autres decks. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à trop aller vite vers nos défauts de sideboard, puis de pas vraiment apprendre à connaître sur le bout de nos doigts nos listes, nos premières 60 cartes? Je me demande, c'est une question peut-être un peu difficile à répondre, mais je me demande si dans les playtests, on n'aurait pas avantage à vraiment creuser notre liste en game 1 avant de vraiment être capable d'identifier: ah oui, là j'ai besoin de cette carte là précisément. C'est comme si j'avais l'impression que le sideboard, on le tenait un peu pour acquis, on mettait à peu près en général ce qui se met, puis qu'on prend pas assez le temps d'identifier dans notre deck, dans nos mains, quand ce deck-là est dans nos mains, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, puis de quoi j'aurais besoin pour compenser moi comme joueur avec ce deck-là précisément. Tu sais, c'est ça, je pense que peut-être qu'on personnalise pas assez l'utilisation puis les outils qu'on peut avoir dans un sideboard en tant que joueur, puis pas juste dans l'abstrait: ah oui, un deck de contrôle, c'est pas bon contre mono rouge, donc je vais mettre justement des Encase des Ice parce que c'est bon contre mono rouge. Oui, c'est clair, c'est bon en partant, mais en même temps, toi comme joueur, en as-tu En vraiment même temps, besoin, puis combien, puis tout ça. Encase c'est nice, c'est bien beau, mais si ton adversaire joue des collatéral damage, ben t'es Encase c'est nice, tu viens pas mal de te les mettre où est-ce que je pense, Exactement, en effet. t'sais. Tu comprends-tu là? Ouais. Fait que si tu es pas capable de réagir au collateral damage, puis que tu gardes tes Encase nice pour la game 3 en disant ça va bien se passer, C'est parce que ben, ça c'était se peut que ça supposé se passe contre le très mono mal. rouge. Ouais, c'est ça, T'sais. exactement. Okay. Fait que des fois, il faut que tu réagisses comme ça. J'avais pas d'exemple tantôt, mais je viens de penser à ça, tu sais. Puis il y a d'autres situations comme du genre qui peuvent se produire. Vraiment. Comme si ton adversaire, Abzan, t'as des NQC nice puis que t'es trop bon, mais qui joue des CDC, exploit, tu sais, qui va. Des Sacrifié. CDC Undead Vizier, là. Il exploite ta créature qui a une caisse nice puis qui va tutor quelque chose, mais t'as perdu ta carte, là, c'est fini. D'ailleurs, hey, je ferai une petite parenthèse. Moi, je trouve que Tu viens de te faire CDC. 2 pour 1, là, finalement, puis c'est une carte qui était dans ton plan de sideboard, mais t'avais pas pensé à ça, puis là, t'es fait, t'sais. Fait que faut s'ajuster en fonction de ce qu'on voit. Puis d'ailleurs, j'en prends ça, je fais une petite parenthèse. Moi, c'est comme mon petit coup de cœur. Je trouve que c'est la carte cachée, ça, en ce moment, dans Standard, là. CDC Undead Vizier. Je trouve que c'est une carte qui a tellement de potentiel, puis j'ai hâte de la voir briller plus, parce que je suis certain que cette carte-là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, mais pour l'instant, je trouve qu'elle est tranquille quand même pas mal. Elle se pointe pas trop le bout du nez dans les top 8. Mais en tout cas, si j'avais un petit 2$ à mettre sur une carte, moi, ce serait elle. Je pense qu'éventuellement, elle va avoir son rôle à jouer en standard. En tout cas, je l'espère. Je trouve que c'est une carte qui est très intéressante. Puis On verra. je verrais bien Sam Black nous faire une liste là, intéressante avec ça. Ouais, voilà. C'était ma petite parenthèse sur CDC Undead Vigia. J'ai une autre question pour toi pour les sideboards, Renaud. Une fois que ça c'est dit, une fois qu'on a pris en considération. L'effet de la curve, de notre sideboard sur notre curve, parce que c'était comme tu l'as dit, c'est important quand même de considérer notre curve quand on va faire notre sideboard. Selon ce qui sort et ce qui rentre, on peut pas non plus. Si on sort toutes des choses qui coûtent 2 puis on rentre toutes des choses qui coûtent 5 ou 6, on a un problème. Prendre en considération bon la metagame, évidemment, aussi ses propres tendances, pour voir justement qu'est-ce qui est bon quand c'est nous qui pilotons le deck, aussi peut-être voir qui pourrait peut-être même faire le saut du sideboard à notre main deck pour la game 1 si c'est vraiment quelque chose qu'on anticipe dans les méta. Puis de connaître bien ces match-ups, ça c'est une chose. Mais il y a aussi une autre tendance dans les sideboards, et c'est pas très présent en ce moment. Peut-être c'est moins présent en construit, mais ça existe un peu. Puis j'aimerais ça t'entendre parler de ça brièvement, peut-être, si tu as une opinion là-dessus. Mais il existe une tendance aussi qui est de. En anglais, ils appellent ça les transformational sideboards, donc les sideboards de transformation. Donc, c'est de justement faire des fois passer un deck contrôle à un deck mid-range ou l'inverse, donc de vraiment entrer plusieurs. Les decks contrôle ont souvent tendance à faire ça. Donc, premier match, tu es contrôle, puis là, deuxième match, tu rentres plusieurs créatures. Disons que je pense à un certain moment, même en moderne, là, dans les decks qu'on pourrait appeler Jeskai maintenant, mais dans Jeskai Control, des fois tu vas rentrer 4 Geist of St. Traff, puis 2 Thundermaw Hellkite avec, mettons, une resto. Après, dans le fond, tout ça c'est dans ça ton se voit sideboard, souvent. Mais c'est vraiment juste pour comme créer un peu l'effet de surprise, puis vraiment comme contrer ce que l'autre fait. C'est quoi ton opinion sur ça, cette ben. Sorte de tendance là? Ça se voit souvent, sauf que je te dirais qu'en ce moment, ben, Esper Dragon, ça s'applique pas vraiment à ce deck contrôle-là. Ouais. Parce Mais qu'il ça est s'est déjà vu, mid-range. ouais, ça s'est vu surtout quand Abrimaz est sorti, par exemple, les decks Blue-White Révélation ben, jouaient des Abrimaz en sideboard ou des Archangel of Doom Tout à fait. contre Mono Bleu Dévotion. Tu sais, ça se voit. Quand même relativement souvent ça se voyait en standard, admettons Splinter Twin en standard, quand c'était en standard pouvait sideboarder puis devenir un deck de Pyromancer Ascension. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est C'est pas l'utilité première d'un ça se sideboard. voit de temps en temps là. Surtout des decks soit des decks combo qui ont la possibilité de devenir un deck plus mid-range tempo de, ça se voit encore, ça se fait, mais faut ça prend les cartes pour le faire là. Fait que, Ouais, vraiment. puis si tu fais ça ben, tu dédies 15 cartes ou 13 cartes à une stratégie puis ben t'as pas vraiment de place pour t'ajuster à d'autres choses, fait que t'es sûr une stratégie ou l'autre, puis ben dès que tu dois faire des ajustements, ben t'as T'es pas entre les deux, d'espace ouais, pour c'est ça faire ça. exactement. C'est Puis ça. dans le fond, c'est un extrême ou l'autre, puis tu peux pas faire t'sais, de la micro-gestion un peu de fine-tuning, disons, là. T'sais, plutôt, tu as une liste qui est solide, puis tu fais juste ajuster des petits match-ups, des petits si t'as juste à une carte en particulier, là c'est vraiment tout ou rien finalement, puis ça peut c'est peut-être mm-hmm. moins efficace dans plusieurs situations dans le fond. Ce type de Mais c'est intéressant. Puis, mais en ce moment, Espère Dragon joue déjà ben, des dragons. Ouais, c'est ça, c'est Ils comme vont. une liste Les contrôle, Faltung mais. Invocations sont nécessaires dans le miroir pour tuer les dragons qui ont Hexproof. Puis, là, habituellement, ben, tu gardes des Rose Dawnfall pour un certain nombre des Rose Dawnfall pour gérer les Yugin. Fait que Ouais. c'est pas nécessairement là, En ce moment. optimal en ce moment là, de mettre des créatures dans ton sideboard pour. À part une. Qu'on a vu apparaître dans certaines listes, qui est Ryzen Executioner, Ah ouais? qui est dans le fond un zombie qui revient tout le temps. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça Puis passer. Dans comme Esper. tu joues pas d'autres créatures dans ton deck vraiment, ou que tu les ramènes avec Avenir Super Dragon, c'est souvent il va coûter 4 ou 5 le maximum. Ok. Puis ça, c'est une 4-3 qui revient à chaque tour, puis qu'ils peuvent pas tuer. Ouais, fait que ça donne de Mais tu sais, il y a l'inévitabilité. dessus, mais faut qu'il y a dessus ou qu'il y a bloc. Fait que sinon, elle va les manger tout rond, puis elle arrive quand même tôt, le tour 4. Bah ouais, c'est clair. Ça peut permettre de faire quelque chose avec la mana dans le miroir de Esper Dragon. Fait que tu sais, dans le fond, maintenant qu'on est justement peut-être dans des généralités, on parlait. Tu sais, il y a comme une espèce de je te dirais là, pas roche-papier-ciseau, mais il y a comme une espèce de conception que, disons, aggro bas contrôle, mid-range bas aggro et contrôle bas mid-range, là, cette espèce de trois grands pôles, là, tu sais. Fait qu'on pourrait penser que, puisque contrôle perd contre aggro, mais gagne contre mid-range, tu sais, je fais des grandes lignes juste pour la situation, là, mais contrôle va surtout avoir des cartes de sideboard pour s'ajuster contre aggro, évidemment aussi contre autre chose, mais contre un peu mid-range ou contre des decks en particulier, mais surtout, faut que t'aies, quand tu es contrôle, faut absolument que ton sideboard ait des réponses contre aggro. Quand tu es mid-range, faut que tu aies des réponses contre contrôle. Puis je me demanderais justement, ça c'est peut-être quelque chose que honnêtement j'ai aucune idée. Quand tu es un deck mid-range puis que tu réussis moins bien à jouer contre contrôle parce que tu leur donnes assez de temps pour trouver leurs réponses puis réussissent toujours à gérer ce que tu leur présentes pour éventuellement t'avoir dans une guerre davantage de cartes. C'est quoi le plan de match en général d'un deck mid-range contre un deck contrôle? Est-ce qu'il y a des grandes lignes que Mais tu s'il connais joue du déjà? noir, il va s'attaquer à sa main. Ok, ouais. Donc tu vas avoir des Okay. Tatsis en sideboard par exemple. Des Tatsis, des Duress. En ce moment, Duress, c'est excellent. Ouais. Si t'as pas accès à ça, que tu es un deck vraiment Mettons vert rouge sacré, tu peux essayer monstre, mettons. mid-range. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux essayer d'être plus résilient à, par exemple, à des rats, fait Ouais. que tu peux enlever un certain nombre de. Ben, par exemple, tu peux enlever les Sylvan Caryatides. Je pense que Red Green ne voudrait pas enlever les Elvish Mystique, mais il pourrait très bien enlever les Sylvan Caryatides, puis juste remplacer ça par soit des Heir of the Wild, c'est une créature qui attaque puis qui va mettre de la pression. Ouais. Ou des fois se tourner vers. Est-ce que se tourner vers des Planeswalkers, même si bon, il y a les Rose Dawnfall, Des mais si. Planeswalkers. Les Planeswalkers, c'est quelque chose qui, généralement, bon, les decks contrôle ont de la misère. Sauf qu'en ce moment, avec 4 Silumghar Scorn, des Rose Dawnfall, C'est moins vrai. c'est plus difficile de Ouais. jouer un Planeswalker rapidement, là. Ouais. Souvent, accélérer un Planeswalker tour 3 sur le. Quand tu joues en premier, C'est pas une bonne idée. c'était possible. Par exemple, Xenagos ou Chandra, Ouais. c'était possible. Maintenant, avec Silumghar Scorn, c'est. Puis Disdainful Stroke, c'est moins. C'est moins attirant, C'est moins comme option. attirant, tu sais. Ouais. C'est moins facile là, Ouais. que ça pouvait l'être avant qu'il y avait. Les solutions, c'était principalement Dissolve. Mais les Planeswalkers demeurent une très bonne option, puis sont surtout des bonnes cartes à piger plus tard dans la partie, qui vont te permettre d'aller chercher un avantage. Tandis que si tu piges un Sylvan Caryatide tour 7, ben probablement que tu veux juste pitcher ton deck Pathfinder. C'est le pire sentiment là. C'est clair. Contre un deck contrôle, de piger un accélérateur là. C'est clair. Fait que. Ok, fait qu'intéressant. Puis c'est ça, soit que tu veux des créatures plus agressives. Ouais, soit c'est que ça, tu veux accélérer, je me demandais. C'est ça que j'allais te attaquer demander. Est-ce que ça vaut-tu la la peine? meute. Dans d'autres formats, tu vas peut-être vouloir attaquer la mana base, Molten Rain par exemple, Ah, moderne. en moderne et jouer dans certains decks agressifs ou mid-range pour Tron ou pour des decks comme Blue White Red Control, Ouais. pour détruire des Celestial Colonnades, des choses comme ça. Ouais. D'autant plus que beaucoup de decks de nos jours qui se servent de leur land comme façon de gagner les parties, Ben ouais, c'est clair. surtout en moderne en fait, Ouais. là. Mais même en standard, jusqu'à récemment, il y avait Mutavault, puis Ben ouais. Haven of the Spirit Dragon. Ouais, Non, en ce il moment, n'y a rien pour détruire des lands en ce moment. Oui. C'est juste que Ben, c'est. rien de vraiment Il n'y a rien de efficace, là. vraiment bon, hein, c'est ça exactement. C'est quoi, c'est Mais Encroaching Waste? Non, c'est ça. Haven of the Spirit Dragon, c'est une façon de gagner une partie Tout à fait. pour les decks contrôle, là. Si Ben ouais, pour se ramener tout le passait temps quoi avec Ojitai, puis. Ojitai, ben, ils ont une façon de ramener leur condition de victoire. Ouais. Et que Fait que, mais c'est où est-ce que je intéressant, m'en fait. allais avec ça? Ouais, non, mais tu parlais qu'une façon pour un deck aggro, ben un deck Ou mid-range, mid-range, ouais, c'est ça, c'est ça, un d'aller deck chercher du mid-range, ben là, il meilleur va falloir plus. pourcentage. Ouais. Soit attaquer la main, soit devenir plus agressif, soit vraiment avoir que chaque carte que tu piges soit te donne un card advantage, de mettre des rites de bones, puis mettre des. Ou mettre des divinations pour un deck Temur, des choses comme ça peut être bon, là. Ouais, Si de t'as jeu. accès à des counterspells, ça peut t'aider aussi dans les match-up contrôle, là. Ok, ouais, fait que Un certain nombre de. d'aller jouer un peu le jeu du contrôle. Fait que dans le fond, quand t'es mid-range, d'aller plus agressif, si ça peut être une option de sideboard, mais aussi d'aller jouer le jeu un peu, puis de garder beaucoup de menaces, puis de cartes, C'est ça, ouais. mais en allant jouer le Puis jeu là, Discard ça, Advantage, toi aussi. ça peut dépendre soit de votre style ou si votre plan de sideboard vous permet d'avoir un meilleur match-up contre les autres decks mid-range aussi. Ouais. Par exemple, si vous avez accès à des counterspells, mais là, vous pouvez rentrer des counterspells contre d'autres decks mid-range puis essayer d'attaquer de cet angle-là. Puis c'est bon aussi contre contrôle en même temps, donc ça vous permet d'économiser sur des cartes de sideboard, puis d'avoir le même plan, t'sais, pour deux Deux matchs. archétypes différents. Fait que, t'sais, rendu là, c'est des décisions qu'il faut que le joueur prenne, puis qu'il en soit pleinement conscient. Puis c'est à partir de ce moment-là où est-ce qu'il va comprendre exactement comment son deck fonctionne, puis dans un tournoi, ça va lui permettre d'avancer avec plus de confiance, là. Ouais. Plutôt que d'essayer de trouver Ouais. qu'est-ce que la personne qui a créé le deck entendait par Et, ce sideboard-là. mais vraiment, pis c'est ça. Puis honnêtement, moi, c'est un peu ça que je veux faire ressortir dans l'épisode d'aujourd'hui. S'il y a juste ça qu'on ressort pour plusieurs joueurs, c'est comme. Tu peux pas te présenter à un événement compétitif sans avoir toi-même compris ton sideboard. À quoi ça sert, pourquoi tes cartes sont là. Faut que tu saches chacune des cartes pourquoi elles sont là. Fait que tu sais, si tu as regardé un site, que tu as pris la base de C'est ton ça. deck, c'est bien correct, mais après ça, là, Puis, ça faut que tu tu. vois, on argumente ensemble sur cette question-là. Puis, je Ouais. suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent puis qui sont pas nécessairement d'accord avec moi. Ok. Puis, je peux comprendre ça. C'est tellement un jeu Ah complexe. ouais, c'est clair. Il y a des gens qui ont déjà essayé de maîtriser par des études statistiques, des choses comme ça, mais ça demeure un jeu vraiment hyper complexe. Ouais. Puis, je peux me tromper, vous pouvez vous tromper, il y a plein de gens qui peuvent se tromper. Puis il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Fait que Non, effectivement. une bonne façon, c'est que vous compreniez comment les cartes interagissent ensemble, Oui. que vous compreniez pourquoi vous avez fait ce choix-là, puis que le choix repose sur, ben, un argument qui est valable. Puis s'il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec vous, mais que il y a une raison derrière qui est fondée, là. Ben, soit, t'sais, ainsi soit-il. Puis Ouais, après tout ça, à ben, fait. vous vivrez avec vos décisions, puis vous allez vous sentir bien moins mal de perdre en vous disant, j'ai réfléchi à mes affaires, plutôt que de dire le deck a pas livré, Ouais, c'est ça, en fait. exactement. Parce Puis, que puis. ou le sideboard était pas bon, mais oui, mais le sideboard était pas bon, t'avais rien qu'à changer puis à y penser, tu sais. C'est ça, puis Moi, ça. j'ai déjà dit ça. Souvent, j'ai dit ça. Les cartes de sideboard étaient pas bonnes, je savais, tu sais. Mais dans le fond, c'était moi qui savais pas quoi faire avec le deck, puis j'ai pas réussi à le prendre en main pour vrai avant le tournoi. Puis je me suis présenté avec un deck que j'étais pas capable de jouer. Ouais, vraiment. C'est grave là, de rejeter le blâme sur un deck que t'as pas construit. Ouais, tout à fait. C'est pas vrai, ça. Ça va être de ta faute au final, Ouais, même c'est si t'en ça. oses pas l'avouer. Puis en même temps, Moi, justement, moi, je... il y a longtemps, là, il y a peut-être 2 ans, j'ai eu une mauvaise passe, puis je n'osais pas me l'avouer à moi-même que je jouais mal, puis que je comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Ouais, c'est J'ai ça. bien hâte de voir à Toronto maintenant, parce que là, je vais jouer un deck qui ressemble un peu au deck de Michael Flores, mais j'ai fait des changements. OK. Parce que ben, j'étais pas d'accord avec certaines décisions, même si je les ai lues, puis que lui, pour lui, ça peut très bien faire. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être meilleures. Ben oui, puis sauf que... Je les ai essayées sur Magic Online. Je suis satisfait. Je vais vivre avec mes décisions. Puis on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Ben oui, mais c'est tellement mieux après ça aussi parce que tu t'es présenté un événement en connaissant ce avec quoi tu te présentais, puis un peu tes intuitions, parce que tu parles justement que Magic, c'est un jeu tellement complexe, t'as beau essayer de chiffrer, puis de statistiques, puis tout, il y a quand même il y a quand même un côté d'instinct dans tout ça, de compréhension, d'intuition, puis ben, toi tu sens que dans tel match-up, il me semble que telle carte, elle ferait le travail, ben t'apprends, t'as joué, puis quand tu vas Puis jouer moi, contre tel deck, ben tu vas la jouer ta carte, puis tu vas savoir pourquoi, tu vas savoir quand, puis elle risque d'être meilleure que l'autre carte qui théoriquement est meilleure, qui est dans tous les decks en sideboard sur Internet, mais que dans le fond, toi, t'es pas assez conscient quand la rentrer puis quand la sortir, tu sais. puis tout à fait. Puis maintenant, j'essaie vraiment de contrôler par moi-même les choix de sideboard, puis les choix de carte main deck. Quand je joue sur Magic Online, je joue pas le même deck, la même liste, quand je fais un tournoi de 4 rondes de journalier, là, que quand je fais un 8-man. Ah, c'est clair. Quand je fais un 8-man, admettons, je joue Esper Dragon dans un 8-man, ben je rajoute un By Blight, puis des fois je mets même des Drowned in Sorrow main deck, parce que je sais qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de monde qui joue mono rouge dans les 8-man. OK. Mais si quelqu'un voit ma liste, admettons, puis qui dit, ah, il y a un 3-0, admettons, dans un 8-man, Avec trois by qui blight. trouve cette liste-là, puis qui dit, ah, des Drowned in Sorrow main, pourquoi il fait, tu sais, puis qui se pose pas pourquoi je fais ça, qui se pose pas la question, puis qui s'en va jouer ça dans un PTQ, ben, là, ça existe plus, là, mais admettons, dans un Grand Prix, là, ben, ça se peut qu'il y ait de la misère, là, dans la journée, avec ces Drowned in Ben oui, Sorrow main deck, exactement. là. Puis c'est Fait ça, puis dans le que, c'est fond, ça. ben moi, c'est... Puis exactement, fait que moi, c'est Puis la... depuis que je suis conscient de ça, là, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à jouer à Magic parce que je prends mes décisions, puis après ça, je peux pas blâmer le deck, tu sais. C'est une C'est coquille. juste moi. Puis là, je fais, ben, ça a pas marché, je vais m'ajuster, je vais changer des choses. Exactement. Puis je pense qu'il faut voir comme les listes qui sont sur Internet, les listes qui gagnent ou tout ça. Moi, les consulter, je suis 100% pour ça. C'est une façon de partager le savoir, mais il faut voir ça un peu comme une coquille. T'as une coquille qui est à moitié pleine avec des cartes qui semblent sont redondantes puis qui sont l'espèce de cœur du deck. Parfait. Mais le sideboard, faut que tu vois ça comme une coquille vide, est vide. Le sideboard, t'as pas le choix de toi-même le construire. Tu peux t'inspirer de ce qui se fait. Admettons que t'es pas trop sûr, t'as pas le temps de vraiment tester tes match-ups. Puis bon, tu t'en vas te présenter un petit tournoi, puis tu fais, ah ben, je vais prendre cette liste de sideboard-là, ça va déjà être un départ. Mais il faut que tu sois conscient que, OK, ben, j'ai un désavantage parce que je connais pas assez bien mes match-ups, puis j'ai pas choisi mon sideboard. Tu peux le Mais ça peut faire. vous donner des C'est indices ça. sur, comme, par Va. exemple, là, Mono Blue Dragon Control. Bon, au début, j'ai peut-être pensé que c'était bon contre Mono Rouge de base, mais après ça, quand j'ai vu qu'il y avait 4 Master of Waves, 4 Omen Speaker dans le sideboard, bon, je me suis dit peut-être que C'est dans pas si son bon. test, dans les parties qu'il a testées, ben, c'était pas si bon que ça. Puis il a Exact. senti la nécessité de mettre ces cartes-là, tu sais. Tout à fait. Ça donne des indices aussi sur les failles de ces listes-là. Fait que c'est bon aussi de consulter des listes qui sont pas vos listes. pour savoir qu'est-ce que les gens sideboard, s'ils s'attendent à avoir un bon match-up contre vous. Ouais, tout à fait. C'est bien de connaître là, le maximum d'informations possibles là, sur qu'est-ce que les gens peuvent avoir comme garde dans leur sideboard. Puis si. Puis étant donné que il y a beaucoup de gens qui font pas ce travail-là, puis qui prennent les listes telles quelles, ben vous pouvez avoir une information sur qu'est-ce qu'il peut avoir dans son sideboard aussi. Tout à fait. Puis vous le surprendre c'est, avec ça des vaut la trucs qui peine de sont de regarder qu'est-ce votre. qui se fait quand même. Oh oui, ben oui, c'est clair, ça vaut la peine. Mais en même temps, Puis, faut. puis ça peut être correct de reprendre telle quelle une liste existante si vous comprenez pourquoi chaque carte est là Ouais. et que vous êtes d'accord avec ces choix-là. Ça, c'est correct. Ouais, exactement. C'est possible, Ce surtout. c'est pas dogmatique Non, non, c'est ça. Puis non plus. surtout dans des. Quand il y a des joueurs qui ont la gentillesse, à quelque part, de partager leur plan de sideboard. Parce que si ils partagent leur plan de sideboard, ça facilite la compréhension. Tu fais, ah ouais, c'est clair. Moi, ça, j'avoue que ça, c'est bon, je suis d'accord avec ça. Ben, je prends ça, puis j'ai déjà un bon point de départ pour savoir vers quoi je m'en vais avec mon sideboard. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais. Puis souvent, à la fin de tournoi, même les joueurs professionnels font des erreurs, là. Ben oui. Puis souvent, ben, des joueurs professionnels qui disent à la fin de leur tournoi, ben, j'ai utilisé juste 12 cartes de ça sur mon side, puis ces 3-4-là sont pas bonnes, mais la liste Et tel qu'on quel. voit est telle quelle, puis les Ouais. gens partent avec ça, mais ils prennent pas en compte que le joueur professionnel lui-même Les a a. déjà changé sa liste, puis il joue plus ces cartes-là. Tu Ouais. sais. Non, vraiment. Fait qu'il faut être attentif à qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est vraiment utile. Puis ça, ben pour ça, ben, il n'y a rien de mieux que de réfléchir puis d'utiliser son jugement, là. Ouais, non, c'est clair. Puis d'en parler avec d'autres gens Ouais, puis de qui connaissent tester, ça puis qui ont de l'expérience. puis de jouer le plus possible des matchs avec vos decks, puis de vous-même vous rendre compte sont où vos failles avec votre deck, trouver des cartes qui pourraient vraiment vous aider à colmater ces brèches-là. C'est clair que pour construire un bon sideboard, je pense que ça prend des répétitions avec un deck. C'est la base, puis je pense que Magic Online est un bon endroit pour avoir plusieurs répétitions avec les decks si on les a. Sinon, c'est de se faire des soirées entre amis puis de jouer les decks. Des fois aussi de jouer avec les autres decks pour trouver des failles. Quand. Mettons que tu joues. Toi, tu as envie de jouer. Je sais Il y a pas. quand même une certaine limite avec les répétitions. Ouais, mais moi je trouve que honnêtement, c'est quand même quelque chose que. Moi, je sais que j'en ai pas assez, justement. Puis je parle de ça parce que personnellement, je sais que j'ai pas assez de répétitions avec mes decks. Fait que même quand je trouve des options de sideboard, ça reste que mon échantillon est très petit. Puis des fois, je dois faire des erreurs. Parce que mon échantillon est trop petit, puis finalement, mon deck est pas si faible que ça contre, par exemple, justement, si je joue Mono Bleu Dragon, on va dire, mais en ce moment, je joue Jeskai. Mettons que je joue Jeskai, mon match-up était pas si mal que ça contre Abzan Control, mettons. Mais c'est juste que je le sais pas parce que j'ai pas eu assez de répétition contre le deck. Fait que c'est dans ce Ben, sens-là que je admettons dis ça. quelqu'un Plus régulièrement. qui joue Burn en moderne, là, puis qui joue ça tout le temps, Ouais. ben, probablement qu'en prenant un deck mono rouge aggro en standard, il va déjà connaître bon, Les certains tendances. trucs de mono rouge qui permettent d'aider à compter jusqu'à 20 ou des choses comme ça, là, Ouais. qui n'aura pas nécessairement besoin autant de répétition que quelqu'un qui a jamais joué cet archétype-là. Ouais, absolument. C'est ça que je voulais dire par Des ça. répétitions dans les archétypes, peu importe le format, des fois vont aider aussi à. Comme, mettons que je suis un joueur plutôt contrôle dans tous les formats dans lesquels j'ai joué, ben, quand je vais prendre un deck, je vais avoir déjà une meilleure intuition. De quel type de carte je vais avoir besoin, Ouais. dans le fond, ouais, Puis c'est on clair. pourra prendre certains raccourcis, oui, en effet. Ouais, super. Dans le fond, je trouve que c'est vraiment. On fait un beau tour d'horizon. J'aimerais quand même toucher rapidement à. Parce que ça, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu laissé pour compte, encore plus que en construit, c'est quand on joue en limité, disons dans un draft, même dans un sealed, parce que c'est un peu deux mondes, là, Oui, sealed et ça vaut la draft. peine d'avoir des cartes de sideboard en draft. Prenez-vous des cartes de sideboard. Ouais, mais c'est ça. Puis des fois, c'est de les identifier. Ça a l'air de quoi une carte de sideboard en draft, disons en limité. Évidemment, il y a des cartes trop typiques comme détruire des enchantements, par exemple. T'sais, on met pas ça dans le main Ouais. board la plupart du temps, mais c'est une carte qui peut être très utile en sideboard si on se rend compte que Puis des notre. fois, faut être capable de reconnaître des formats où est-ce qu'on pense que c'est des cartes de sideboard, puis finalement, ça peut être une carte Qui se joue en main main deck. board. Ouais, c'est ça. Comme Comme mettons Terros, par moi, exemple. j'adore Return to Earth dans Dragons of Tarkir Draft, là. Ok. Si je joue vert, puis j'ai des return to earth, Ouais. ça détruit un artefact, un enchantement ou une créature qui a flying. Pour 4. C'est bien ça, il Ouais. me semble. Puis, on peut trouver que ça a l'air d'une carte de sideboard, tu sais. Puis, mais il y a tellement de créatures avec flying dans ce format-là. Et puis, il y a tellement de bombes que c'est des dragons. Ouais. Puis, dans Fatreforge, il y a toutes les sieges qui sont Des des enchantements. enchantements. Ouais, puis c'est en instant. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'artefacts, là. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants, là, comme Ugin Construct Ouais. qui peut être joué par ça. Fait que, tu sais, j'ai jamais trouvé que c'était une carte morte. OK. Et si c'est pratiquement jamais une carte morte, ben, ça vaut la peine de la mettre main deck, là. Ouais, parce que Fait si que ça des devient du fois, il faut rem... reconnaître des cartes qui peuvent être main deck Ouais, plutôt parce que que sideboard. tu regardes cette carte-là, puis ça crie carte de sideboard, parce que c'est tellement conditionnel, mais en même temps... Puis finalement, c'est ça détruit à peu près n'importe quoi en instant. Ouais. Fait C'est ça, donc ça peut que... avoir... Fait que c'est de vraiment, encore une fois, c'est d'être conscient de ses, dans quel format que c'est, puis de quand même reconnaître aussi qu'il y a des cartes qui sont pour le sideboard, parce que cette carte-là, dans d'autres formats, c'est clairement une carte de sideboard. Oui. Donc, c'est ça. C'est de pas avoir peur aussi de dédier des choix. Parce que moi, je trouve que quand on est en draft, souvent, nos cartes de sideboard, entre guillemets, on va les prendre un peu par défaut parce que ça va être la dernière carte verte dans le paquet au 13e pick, t'sais. Mais peut-être que ça valait la peine de dédier un choix numéro 8 ou 9 à une carte de sideboard que vous alliez jouer. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. De voir une carte que je pense pas qu'elle va être Ça dans vaut mon deck mieux. main. Des fois, même pick 5, Ouais. 6, des fois, Aussitôt que ça ça. vaut OK. souvent plus la tu pack 2, mettons, là, parce que pack 1, c'est sûrement mieux de prendre la meilleure carte du paquet parce Ouais. que tu peux te ramasser dans cette couleur-là, mais même tard dans le deuxième paquet, prendre la carte de sideboard à place de couper quelqu'un d'autre. Non seulement vous le solidifiez dans sa couleur, vous avez plus de chances après ça de voir de votre couleur. Mais cette carte-là vous servira à rien, tandis que l'autre, elle a le potentiel de faire quelque chose dans une des 6, 6, 7, 8 parties que vous allez jouer durant le draft. Fait que ça vaut la peine d'être sensible à ce genre de considération-là durant un draft. Hey, puis excuse-moi, Renaud, je vais faire un retour dans le temps parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te parler, puis j'ai complètement oublié. Puis on fait un petit retour dans le temps, puis on va reparler de sideboard en construit. En fait, c'est qu'il y a une tendance en construit de quand on va aller à notre sideboard, d'observer notre adversaire pour voir combien de cartes il sort, combien de cartes il rentre. Puis il y a certains joueurs, pour contrer ça, ce qu'ils font, c'est carrément, ils brassent tout leur sideboard au complet. Puis là, ils se ressortent 15 cartes. Comme ça, l'autre n'a pas eu l'information sur le nombre de cartes qui a été entrée ou sortie. Toi, c'est-tu le genre d'affaire que tu penses que à un certain niveau, ça vaut la peine de faire pour couper l'information de l'autre ou l'amener sur une mauvaise piste en termes du nombre de cartes qui sortent puis du nombre de cartes qui rentrent, ou c'est un peu de prendre de l'espace mémoire pour pas grand-chose de significatif finalement? Parce que je sais qu'il y a un joueur comme... il y a quand même plusieurs joueurs qui le font, là, mais Reed Duke le fait entre autres, là, mais je sais que d'autres joueurs font ça. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est futile de faire ça ou que ça peut avoir quand même son utilité? Donc, de tout. Je pense que c'est très utile. Ouais. C'est sûr qu'il y a certains. Bon. Il y a certains moments où est-ce que. Mais si votre adversaire voit rentrer 11 cartes, il va savoir que vous faites de quoi. Ouais. Tout à fait. Fait que... Puis, surtout dans des environnements. Mais en fait, surtout dans des environnements où est-ce que les listes sont connues. Là, c'est encore plus important de le faire parce que vous pouvez jouer un jeu de chat de la souris là, sur est-ce que j'ai des créatures, est-ce que j'ai pas de créatures, est-ce que j'ai du removal, est-ce que j'ai pas de removal cette fois-ci. C'est encore plus important dans ces situations-là. Si on a un sideboard transformationnel ou si on a un plan alternatif là, comme devenir aggro ou devenir. Ouais. Ça peut donner des indications sur ce genre de choses-là quand les decklists sont connus. Maintenant, round 3 d'un Grand Prix, quand les deux joueurs se connaissent pas puis qui sont pas mal au hasard, t'sais, aléatoire. Ouais. Puis que les decklists sont pas connus. C'est peut-être futile, mais sinon c'est C'est peut-être. peut-être. Tu sais, bon. C'est une habitude à prendre. Ouais, c'est Si peut-être vous une n'êtes pas habitude à à. l'aise Ouais. de le faire, parce que. Pour X raisons, je sais pas, là, mais tu sais, si vous avez peur de vous mélanger en des cartes de sideboard puis des cartes de main deck parce que vous avez pas de mémoire de votre liste, Ouais. tu sais, je sais pas, là. Ou si vous avez peur de sortir 14, des cartes de trop, 15, 16 cartes ou des choses comme ça, puis de mal compter, je sais pas, Ouais. Mais moi, en fait, je là. trouve que même que Faites c'est une. aussi ce que vous êtes le plus à l'aise pour, tu sais, le faire dans les délais, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, je pense que ça cache l'information. Fait que c'est une bonne chose. Ouais, puis en même temps, moi, ça a été la façon que j'ai trouvée qui était la plus simple pour moi de tout simplement m'assurer que j'ai le bon nombre de cartes dans mon deck, là. T'sais, une fois que tu brasses toutes tes cartes ensemble, puis que tu en enlèves 15, tu es sûr et certain que tu as ton 60 cartes, puis que tu te trompes pas. Sinon, des fois, j'en enlève, je sais plus trop combien j'en ai enlevé, il en reste combien dans mon paquet. On dirait que ça me mélangeait, fait que maintenant que je fais ça, ben, je coupe de l'information, puis en même temps, ben, je m'assure que j'ai toujours 60 cartes, puis qu'il y a toujours 15 cartes dans mon sideboard, parce que. Puis aussi, je donnerai une petite note, puis là, ça va peut-être paraître un peu ridicule, mais quand vous êtes dans un tournoi qui est sanctionné, traînez votre liste avec vous, là, à la limite aussi, puis Et tu sais. assurez-vous qu'à la fin de chaque match, vous reconstituez votre deck comme il était au départ, parce que même, je pense que c'est au Pro Tour, je pense que c'est en finale, ou en tout cas, c'est un haut niveau, au moins de demi-finale, le joueur, game 1, il a pris sa main, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas side et out, dans le fond. Puis là, il l'a dit au juge, puis là, il a été. Puis ça, il a été forcé de mulliganer à 5, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, je me rappelle plus du cas exact, là, mais c'est un truc comme ça. Donc, puis ça, des fois, ça peut aller plus loin que ça. Mais là, dans ce cas-ci, ça a été ça parce qu'il s'en est rendu compte, il s'est excusé, l'a montré. Puis il a pu, comme juste, fait remettre son deck dans sa liste originale. Mais il a été forcé de mulliganer. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'il a commencé les matchs 1 à 5 cartes au lieu de 6 parce qu'il aurait mulligané de toute façon, là, mais bref. Fait que c'est ça, fait que c'est important aussi quand on fait un sideboard de s'assurer qu'en début de chacun des matchs, on est de retour à notre liste initiale. C'est un détail, mais Ouais, des fois ça. surtout en seal, là, parce qu'en seal, bon, les cartes On les connaît moins, ça. sont plus subtiles, là, puis souvent c'est toutes des one-off, là. Ouais, tout à fait. De se garder Mais c'est une liste de c'est quoi notre liste initiale, puis de. écrire, bon, ça. On pourra y revenir, là, sur Ben des ouais. stratégies de seal, mais ça, c'en est une, là. Écrire sa liste, là, ça peut Bon paraître truc. anodin, mais. Ouais. C'est une chose à faire, surtout dans un grand prix. Ronde 8, tu veux pas avoir une game loss pour ça. Non, vraiment pas. Ben écoute, Renaud, je trouve qu'on a quand même fait un beau topo. Puis par exemple, avant de se quitter, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour en fait, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, depuis, notamment, on l'a mis sur la page, mais il y a. Alexander Rehn qui a gagné le Grand Prix en Pologne, Grand Prix auquel participait Philippe, aussi en plus du Pro Tour. Et parce qu'on avait mentionné, on avait dit, bon, mais Phil va être en Pologne, après ça, il va revenir ici, il va faire son PTQ, parce qu'il y avait un PTQ en fin de semaine dernière, c'était à Montréal, je pense. Il y avait un PTQ en fin de semaine dernière. J'ai pas le nom de la personne qui a remporté, c'est un peu une honte, là, faudrait Il y a que. quatre personnes là. Qui se sont Dan qualifiés. Lantier, Nicolas Lee, Alex Kuzma, quelque chose du genre Ok. là. Puis une autre personne dont je ne connais l'existence. Ok, excellent. Ben je ferai mieux mes Je sais recherches. que Hugo Leblanc de Drummondville a perdu en top 8, puis Philippe Asselin a perdu en top 8 aussi, fait qu'ils n'ont pas été Ah, qualifiés. oh. Ouch. Ouais. Ah oh là là là là. C'est très Mais dommage, mais hein, c'est vraiment c'est la vie. dommage. Mais bon. Ah, on va. Mais sauf que je pense que notre prochain épisode, ça va être un peu ça. On va parler plus particulièrement du PTQ qu'il y a eu à Montréal, puis aussi des joueurs québécois qui s'illustrent dernièrement, puis peut-être qu'on essaiera d'avoir Philippe avec nous éventuellement aussi pour nous parler de tout ça. Mais en fait, une des affaires justement qui m'avait fait penser à ça, c'est que je me disais, bon ben, lui, il a fallu qu'il se prépare pour un Pro Tour, un Grand Prix, puis un PTQ. C'est trois métagames clairement différentes. Justement, je me disais, ben, probablement qu'il a ajusté Ben, son. pas oui, mais non, là. Non? Tu penses qu'il peut arriver avec le même Ben, 75 à chaque fois sans vraiment le. non. Non, je pense pas. Mais il a vu l'évolution, tu sais. Il l'a senti, il était sur le terrain, il a vu les decks, il voyait les gens jouer, il voyait, tu sais. Bah ouais. Des fois, t'as pas juste besoin de jouer la partie de toi-même, tu peux voir les gens prendre des décisions, puis ça peut t'aider à comprendre le format. Fait que, Pour ça, il a été dans le feu de l'action, tu sais. Ben oui, Il a absolument. fait 30 points au Pro Tour, il a fait 8-1, jour 1 du Grand Prix à Krakow, fait à quelque part, puis il a fait top 8 du PTQ régional. Fait que Ah, même si c'est pas il est en feu. requalifié pour le Pro Tour, c'est pas assez proche, tu sais, il comprend quand même les choses sur le format Philippe. Fait que Ah, c'est clair. je pense pas que ça a été un désavantage. Je Non, pense même que mais ce que je... c'était bien d'être constamment en train de réfléchir au format là, D'évoluer. Oh, pour il doit être être. à la fine pointe du format en ce moment, Philippe. Il doit connaître beaucoup de détails sur le format que peu de joueurs connaissent en ce moment. Puis en fait, pourquoi je disais ça, c'est que justement, je me disais, lui, probablement que ses sideboards ont bougé entre un Pro Tour, un Grand Prix, puis un PTQ. Ouais. Ça doit En être une fait, ses chose. decks, son deck, je crois pas qu'il a joué le. Il a pas joué le même deck au Pro Tour. Il a joué Red Green Dragon au Pro Tour. OK. Puis il a joué Expert Dragon au Grand Prix. OK. Puis il a joué Expert Dragon au PTQ. Puis dans Expert Dragon du PTQ, je crois que la liste est tout petit peu différente, là. Mais pas tant que ça par Ok. rapport à Cracovie. Ok. Puis c'est ça, puis dans le fond. Mais oui. Mais ça, puis où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? C'est le fait de dire que, ben justement, c'était la première fois qu'on avait à Montréal notre premier PTQ avec la nouvelle formule là, qui incluait les pré-PTQ. Puis là, moi, je disais, sur le coup, c'est là, tu sais, c'est intéressant. Je pense que c'est le fun. Ça fait des. Je sais pas, moi, au départ, j'étais enthousiaste avec la formule parce que je trouvais que ça donnait une chance à plusieurs types de joueurs de se qualifier pour le Pro Tour parce que ça rapprochait des communautés de Magic des tournois qui sont les pré-PTQ, mais ça a eu un peu l'effet pervers d'éloigner le PTQ de d'autres communautés. Puis c'est toi qui m'as fait réaliser ça. Peut-être de nous faire un peu, Ouais, toi. je pense que, mais je pense qu'il faudrait faire un épisode sur la nouvelle structure, comme une espèce de une saison plus tard là. Ouais, tout à fait. Mais rapidement là, si ça peut ouvrir sur le prochain épisode là, moi je pense qu'il faut avoir une pensée pour les gens qui sont dans la région excentrée, qui autrefois avaient des PTQ, par exemple Moncton, et puis Halifax, par exemple, tu sais, des choses comme ça, Ouais. Terre-Neuve, qui non seulement doivent gagner un tournoi une fin de semaine dans leur région respective, ils vont être deux ou trois de leur province à pouvoir venir au PTQ, quand dans le fond, avant, ils étaient 100 à jouer dans le PTQ en question. Ouais, exactement. Fait qu'il y a juste trois de ces joueurs-là. Puis ces trois joueurs-là doivent se déplacer jusqu'à Montréal, payer le logement, Ben ouais. l'hébergement pour ça, le transport, la nourriture. Ça doit coûter à peu près, tu sais, de Terre-Neuve venir à Montréal Ouais, c'est une ça. fin de semaine, c'est pas loin de 1 000 $ là, tu sais, Ouais, puis ils connaissent moins les pour gagner joueurs. une invitation au proto puis un billet d'avion qui est l'équivalent de ça, à peu près 1 000 $ là, comme Ouais. équivalent en prix là. Ouais. Je pense que ces gens-là ont perdu beaucoup au change, tu sais. Ouais. C'est sûr que ceux qui habitent à Montréal puis qui ont des PPTQ, à peu près une vingtaine de PPTQ dans la saison à 1 heure de route, ben pour eux ça va bien là. Ouais. Mais les gens en région, les gens qui sont dans d'autres provinces, La donne a changé pas probablement. certain, moi, que ce soit une bonne chose pour eux. Puis je suis pas certain que ce soit une bonne chose pour la communauté de Magic d'avoir des PPTQ à 25-30. Puis après ça, une de ces personnes-là s'en va 3 mois plus tard pour peut-être avoir une invitation. Ouais, non. Avant, tu savais à quoi t'attendre. Il y en avait juste un qui gagnait. Mais il Il y était avait sans jouer, beaucoup par de exemple. monde. C'était une grosse journée. Mais tu savais que il y avait quelqu'un de la place qui allait partir avec l'invitation. Fait que, tu sais, c'était motivant. Ouais. Là, moi, je suis très peu motivé de faire 2 heures de route pour un PPTQ. Puis il n'y en a pas dans ma ville. Fait que, Ouais, c'est ça. J'avoue que ça, pour les gens qui je sont vais. loin de Montréal, ça. Là, c'est moins intéressant comme formule. Puis comme tu dis, je pense qu'honnêtement, ça vaudra la peine de faire un moment donné un épisode sur ça, d'avoir une réflexion, peut-être d'inviter des joueurs qui les font, pour qui c'est peut-être plus difficile, d'autres pour qui ça a bien fonctionné, pour avoir un peu un portrait global de cette nouvelle formule-là, puis ses De mon impacts. point de vue, en ce moment, c'est en train de nuire À ton à Magic. implication. C'est en train de nuire à Magic dans les régions excentrées. Ben, c'est un point de vue bien ben intéressant, puis je pense que c'est quelque chose comme Je qu'on. pense que ça mériterait d'être développé dans un épisode au Ouais, complet, là. Et absolument. Je puis. pense qu'on va absolument le faire. Puis ça, je pense que ça va être bien intéressant. Mais sinon, merci d'avoir pris le temps là, qu'on discute de tout ça du Ben écoute, sideboard. ça me fait plaisir. Souhaitez-moi bonne chance pour Toronto. Ouais, tu sais quand? C'est en fin de semaine prochaine? Espérer. C'est en fin de semaine. Fin de semaine? Excellent. Fait que là. On va essayer de faire jour 2 Ben pour la première fois de ouais. l'histoire. C'est correct ça. Moi, je le sens là. La balado a été comme a porté chance à plusieurs joueurs là. Je veux pas qu'on prenne trop de crédit là, mais après que Pascal Ménard soit passé à notre balado, il a comme fait le, il s'est comme Il a gagné un grand il a prix. gagné un grand prix tout de suite après. Donc, moi, je pense qu'on a quand même du crédit là-dedans. Et Philippe Asselin, après être passé à notre balado, s'est qualifié pour le Pro Tour. En tout cas, fait que si jamais il y a d'autres joueurs qui ça leur tente de passer à Balado Magic 101, je pense qu'on est des porte-bonheur pour les joueurs professionnels du Québec. All right, écoute, merci Renaud d'avoir pris le temps, puis on se revoit la semaine prochaine. C'est good. All right, salut. Salut.